Isanganiro. Mireille Kanyang. Nous sommes mardi 30 juin. Bonjour à tous et merci de nous être fidèles. Voici les grands titres de cette édition. Prestation de serment ce mardi des 15 ministres, une prestation qui est prévue ce mardi à l'Assemblée nationale devant le président de la République et le Parlement burundais. Dans cette édition suivra les grognes de certaines des personnes vivant avec le VIH-Sida. En mairie de Bujumbura, c'est suite au manque de Bactrim. Le directeur du programme national de lutte contre le sida tranquillise. Et la population burundaise sera de près de 22 millions d'ici 2050, dit le directeur général de l'ISTEBU qui parle d'un défi au développement, d'où une politique de la démographie est nécessaire. Rebonjour, mais vous voudrez bien nous excuser de ces deux minutes de retard. Oh bonjour, prestation de serment tout à l'heure des 15 ministres entrant au palais des congrès de Kigobe devant le président de la République et le Parlement. C'est également la clôture ce mardi de la session parlementaire. Pour rappel, le gouvernement sortant était composé de 21 ministères et nous y reviendrons dans nos éditions de la soirée. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, demande au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de retirer le Burundi sur l'ordre du jour du Conseil de sécurité. C'était dans une conversation téléphonique qu'ils ont tenue, comme le montre le communiqué de presse sorti ce lundi par le porte-parole du président de la République. Le point avec Fidel D'Antoine Sabiman. Dans un communiqué de presse sorti ce lundi et signé par Jean-Claude Karigwandenza, le porte-parole du président de la République du Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a tenu une conversation téléphonique avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'abord adressé ses condoléances au peuple burundais suite au décès inopiné de Pierre Nkurunziza. Du même coup, ça a été une occasion de féliciter le nouveau président investi. Il a ensuite saluer l'engagement constant du président Ndayishimiye à dialoguer et à appeler les réfugiés à rentrer chez eux pour savourer les dividendes de la paix avec leurs compatriotes. Selon le même communiqué, les deux interlocuteurs ont discuté sur le renforcement de la coopération entre le Burundi et les Nations Unies dans tous les domaines d'intérêt mutuel. Au cours de cette conversation téléphonique, le secrétaire général des Nations Unies s'est engagé à envoyer une équipe multidisciplinaire à Gitega pour intensifier la coopération socio-économique avec le Burundi. Le président Ndayishimiye a remercié le secrétaire général des Nations Unies tout en soulignant la nécessité urgente de retirer le Burundi sur l'ordre du jour du Conseil de sécurité, une mesure qui inciterait les partenaires à intensifier leurs efforts en termes de coopération bilatérale et multilatérale. Fidèle d'Antoine Sabimana, poursuivons cette édition. Demain, le 1er juillet, le Burundi célèbre son 58e anniversaire d'indépendance. Et bien, l'assassinat du prince Louis Rwagasore le 13 octobre 1961 a provoqué une crise politique et institutionnelle au sein de la classe intellectuelle de l'époque. André Muhigwa, gendre du Mwami Mwambutsa, a été choisi pour succéder à Rwagasore au poste de premier ministre. Et c'est lui-même qui prononça le discours officiel le jour de la proclamation de l'indépendance. Avec cette crise institutionnelle, les membres de l'Assemblée nationale se sont divisés en deux groupes, dont celui qui se surnommait du Casablanca et l'autre de Moronvia. Suivez le professeur historien Émile Morora. C'est justement au moment où ce 1er juillet, le Burundi célèbre 58 ans d'indépendance et s'est exprimé dans l'émission « Tout va et tout jai ». Rwagasore avait une place de choix, que ce soit dans le pays ou dans son parti Uprona. Même s'il était conseiller général du parti Uprona, c'est comme si il était lui-même le président. Après son assassinat, une crise a surgi quant à sa succession. Plusieurs noms ont été cités, dont Gendandou Mwe et Mirere Kano, tandis que d'autres voulaient que le roi se prononce. Par après, André Muhigwa, gendre du roi Mwambutsa, a été désigné pour le succéder, mais des polémiques se sont poursuivies. Quant à Joseph Bamina, il a été désigné président de l'Assemblée nationale de l'époque. Au sein de l'Assemblée, deux groupes sont nés, dont celui qui se réclamait de Casablanca et l'autre de Monrovia. Celui de Casablanca était constitué par des pro-socialisme et celui de Monrovia constitué par des modérés. Ces appellations, c'était par rapport au lieu où ont été tenues des réunions. Le premier ministre André Muhigwa a été remplacé par Pierre Ngendandoumé. Mais de cela, on retient que l'assassinat de Gorgua Gassore a provoqué une crise institutionnelle et politique. Professeur historien Émile Mourouha, traduit en français par Aubin Nyonguru. Après une courte pause, nous poursuivons cette édition par la page gouvernance. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans nos studios, je vous l'avais annoncé, la population burundaise sera entre 18 et 22 millions en 2050. Ces statistiques sont fournies par le directeur général de l'Institut des statistiques et études économiques du Burundi, Stebu, dans un atelier de dissémination des résultats des projections démographiques du pays de 2010 à 2050. Ce mardi, Nicolas Ndayishimiye dit que cette augmentation de la population peut constituer un défi au développement dans certains secteur de la vie du pays, dont celui de l'éducation. Il ajoute que la politique de la démographie est nécessaire. On l'écoute. Nous avons utilisé une méthode basée sur trois hypothèses. L'hypothèse avec forte fécondité, l'hypothèse avec moyenne fécondité et faible fécondité. Au regard de ces trois hypothèses, les estimations nous montrent que en 2050, la population burundaise va varier entre 18 millions et 22 millions, avec un accroissement naturel annuel de plus de 300 000 personnes, soit un taux d'accroissement annuel d'à peu près 2,5%. Voilà la situation, les données que nous venons de présenter aujourd'hui. Une augmentation de la population a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Si cette augmentation n'est pas suivie par une politique appropriée ou bien si elle n'est pas planifiée, elle a des conséquences dans tous les domaines de la vie nationale, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des infrastructures de développement, que ce soit aussi au niveau de l'environnement. Pour bien amorcer le processus lié à la croissance démographique, il est plus urgent pour le Burundi de mettre en place une politique nationale de population. Laquelle politique pourra nous montrer les domaines dans lesquels le gouvernement du Burundi pourra investir plus que dans d'autres domaines pour que cette croissance démographique soit un vecteur du développement et non pas une entrave au développement du pays. En plus de ça, mettre en place ce qui est préconisé en vue de la limitation des naissances. L'Agence nationale de promotion et de régulation des sociétés coopératives ANACOP envisage le recrutement des jeunes ayant des connaissances dans différents domaines pour encadrer les coopératives financées à hauteur de 10 millions de francs burundais sur chaque colline du pays. Le directeur général de cette agence précise que des centres de conservation des récoltes au niveau des communes ont été prévus. Oscar Barangaliza informe également que ces fonds peuvent être remboursés en nature. On l'écoute au micro d'Eline Bell Nibigir. Auparavant, il y a eu des actes que l'ANACOP a stoppés, qui voulaient à ce que la gestion transparente ne soit pas observable. Et nous pouvons souligner, par exemple, les cas de certains membres de l'administration locale qui voulaient participer à l'achat, par exemple, des chèvres et des porcs. Alors que la société coopérative, c'est elle qui achète pour elle les chèvres et les porcs. Mais quand même, l'ANACOP a dit stopper. Nous pouvons aussi évoquer le cas des sociétés coopératives qui avaient des comptes dans une institution de microfinance KPDB. Sa santé financière n'était pas quand même efficace. Il y avait 100 millions qu'on ne voyait pas là où elles se trouvent. L'ANACOP a aidé à ce que la somme de 80 millions soit recouvrée. Ça reste 20 millions. Dans ce cas, l'ANACOP est tenté de poursuivre là où elle peut trouver ces 20 millions. Je pense qu'en collaboration avec la Banque centrale, ces 20 millions qui restent seront aussi recouverts. Comme nous avons constaté que le suivi n'est pas facile, l'ANACOP envisage d'inciter les jeunes agronomes, chercheurs d'emploi, les vétérinaires en santé animale, les techniciens dans le secteur de la technologie agroalimentaire et aussi les jeunes ayant les qualifications dans le domaine de l'économie de l'art, les inviter à s'associer des sociétés coopératives, des sociétés coopératives de services. Ces sociétés coopératives, des agronomes ou des vétérinaires, aideront les sociétés coopératives qui œuvrent dans le secteur agro-pastoral. Dans ce cas, les sociétés coopératives encadrées auront quelque chose à payer à cette société coopérative encadrée. Après l'augmentation de la production, nous aurons à chercher l'écoulement du marché sur le territoire du Burundi ou ce soit à l'étranger. La récolte doit être conservée dans des hangars qui sont construits dans des communes. En outre, l'ANACOP envisage à ce que les sociétés coopératives puissent rembourser à nature, parce qu'il y a ceux qui ont, par exemple, des riz. Le directeur général de l'ANACOP, en la personne d'Oscar Barangariza. Eh bien, certes, les habitants de la colline Nyamitanga en commune Buganda de la province de Cibitoke disent qu'ils viennent de passer plus de 7 mois sans électricité depuis la réception officielle du courant électrique dans cette localité en novembre 2019. Ces habitants expliquent qu'ils sont dans l'incapacité de rembourser les dettes contractées auprès des banques pour l'autodéveloppement. Oscar Nahimana, chargé des marchés publics au service chargé de l'électrification rurale à Cibitoke, tranquillise ses habitants que pour bien bientôt, un transformateur électrique sera disponible d'ici 2 semaines. C'est un reportage de Jackson Bahati, lu par Yvette Nijimbele. Après une longue durée d'attente, le raccordement au réseau électrique n'a duré qu'un mois, soulignent les habitants de la colline Nyamitanga. Ces habitants indiquent qu'ils ont été informés par les agents de la régie des eaux que c'est un transformateur électrique qui a été abîmé. L'électricité est notre préoccupation majeure. Une fois qu'on l'a vu pour la première fois, il n'a fonctionné que quelques jours. Et puis, nous avons trouvé couvert d'huile et on nous a dit qu'il a été foudroyé. Jusqu'aujourd'hui, ils l'ont pris en nous disant qu'ils vont amener un autre, mais enfin. Ces habitants soulignent qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en train de rembourser des dettes car ils avaient investi dans l'achat des matériaux qui pouvaient les aider dans quelques activités de développement. Nous sommes vraiment fatigués car nos projets sont tombés dans l'eau. Les frigos, les machines et moulins se sont abîmés. Nous venons de passer 6 mois sans électricité. Le chef de la colline Nyamitanga dit être au courant de cette situation et demande aux institutions habilitées de trouver solution à cette question. Nous demandons aux institutions habilitées de trouver solution à cette question. On ne peut pas se développer sur notre colline sans électricité. Le chargé du marché de raccordement au réseau électrique Oscar Nahimana demande à ses habitants de patienter car le transformateur électrique a été commandé et que dans 2 semaines, il sera installé. Page santé de cette édition grogne de certaines personnes vivant avec le VIH-Sida au mairie de Bujumbura. Elles expliquent qu'elles viennent de passer près de 8 mois sans avoir la Bactrim. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro demandent au gouvernement de tout faire pour que ce médicament soit rendu disponible sur le marché. Eh bien, Menda Izeye, directeur du programme national de lutte contre le sida, fait savoir que la Bactrim sur financement n'est plus disponible, mais que ce produit est toujours disponible dans les hôpitaux et appelle aux responsables de rendre disponible ce médicament. On l'écoute. Le Bactrim, il y en a qui est utilisé comme les autres médicaments que le secteur de soins utilise pour la prise en charge des personnes en général, pour les pathologies infectieuses. Mais aussi, il y a le Bactrim qui est acquis pour la prophylaxie chez les personnes vivant avec le VIH. Et là, c'est via les contributions du gouvernement et des partenaires et qui est donné gratuitement à ces personnes vivant avec le VIH. Alors, il fut une période où, c'est vrai, il y avait une rupture de cette forme qui est donnée gratuitement parce qu'il y avait des procédures et des processus de marché qui qui ont pris du temps. Mais à ce niveau, on avait déjà avisé au niveau des sociétés de soins pour qu'ils puissent utiliser le Bactrim qui est utilisé de façon routinière pour que ces personnes puissent continuer à être prises en charge. Ici, et la plupart des sociétés de soins ont obéi à cette mesure, mais nous sentons qu'il y a certaines sociétés qui n'ont pas pu servir de façon adéquate à ces personnes vivant avec le VIH/SIDA. Et pour le moment, ce médicament existe, que ce soit pour la forme adulte, que ce soit pour la forme pédiatrique. Et donc ici, il y a des actions en cours pour que les districts maintenant puissent venir s'approvisionner au niveau de la centrale d'achat nationale, la CAMEBU, pour qu'à leur tour, ils puissent aller approvisionner les sites de prise en charge de ces personnes vivant avec le VIH. Nous espérons qu'ils vont continuer à approvisionner pour que ces personnes puissent être satisfaites, d'autant plus que nous nous cheminons vers l'élimination du VIH par l'atteinte des cibles de 3,95 d'ici 2030, que ce soit par rapport à ces médicaments pour la prophylaxie, que ce soit pour les antirétroviraux, mais aussi les actions de prévention pour réduire les nouvelles infections. Vous comprenez que nous devons faire ces efforts combinés pour arriver à ces cibles. Aimé Ndaïdze, directeur du programme national de lutte contre le sida, des propos recueillis par Jean-Marie Mayonga en santé animale. Plus de 40 000 poules des 4 communes sur les 9 que compte la province Ngozi reçoivent ce mardi le vaccin contre la maladie de Gomboro. 131 vaccinateurs sont dispatchés sur toutes les collines pour la réalisation de cette activité sous le financement du projet de développement du petit élevage. Le responsable de ce projet appelle la population à approcher les bénéficiaires de ce projet d'élevage amélioré pour se développer comme les ménages bénéficiaires, un ménage qui affirme aujourd'hui avoir une poule de 8 kg qui coûte 40 000 francs en Burundi. Ces ménages indiquent qu'après une année, ils se sont procurés plus soit une chèvre ou un porc et comptent faire toujours un pas en avant. Une information que nous devons notre correspondant en province Ngozi, Apollinaire Muzagala. Tout de suite, c'est à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. La maladie de la colonne vertébrale causée par le microbe de la tuberculose est souvent traitée comme la tuberculose même, bien qu'elle soit curable. Elle peut avoir des complications au niveau du dos. Une fois mal traitée, prévient Dr Angélique Néokind, rhumatologue. Elle conseille les gens à consulter les médecins en cas de douleur intense au niveau de la colonne vertébrale. Le point avec Ornella Mucho. Une fois que le patient est diagnostiqué positif de la maladie de la colonne vertébrale, le traitement dépend en général de sa cause. Docteur Angélique Néokind, rhumatologue, nous parle du traitement en cas de la spondylodysite tuberculeuse, appelée également maladie de la colonne vertébrale causée par la tuberculose. Le traitement, c'est le traitement habituel de la tuberculose, mais comme les os sont fragiles et qu'ils sont bousillés par les bécas, on doit également mettre l'immobilisation, on doit immobiliser le hachis et puis on donne les antidouleurs bien sûr parce qu'il y a une douleur intense et également des antibiotiques anti-tuberculeux. La déformation au niveau du rachis, appelée aussi colonne vertébrale, ainsi que la paralysie, sont les conséquences du traitement tardif de cette maladie. Les conséquences de cette maladie, c'est la déformation. Chez quelqu'un qui a fait cette spondylodysite tuberculeuse, qui n'a pas été traitée, et va développer une mal de pote. Il y a le rachis qui est déformé et vous allez le voir, on dirait que c'est quelqu'un qui a quelque chose dans le dos. Et l'autre complication, c'est la compression des racines nerveuses ou bien compression de la moelle et qui risque d'être responsable d'une paralysie. En cas de complication de la maladie, les médecins peuvent faire recours à la chirurgie. S'il y a compression, là ça veut dire que dans le traitement, on va faire appel à la chirurgie qui va décomprimer. Et si on fait la décompression très tôt, ça veut dire avant la mort des nerfs, là il pourrait retrouver sa fonction. Mais si ça a duré plus de 72 heures, 48 à 72 heures, on risque de perdre totalement la fonction des nerfs. et conseiller les gens à consulter le médecin le plus tôt possible dès l'apparition de certains symptômes, dont la transpiration excessive durant la nuit et la perte du poids. Si la personne sent qu'elle a ces douleurs au niveau du rachis très intense qui apparaît d'une façon aiguë, il faut qu'il consulte un instructeur de santé et c'est au médecin de faire le bilan et de faire la mise au point pour le traitement efficace. Elle interpelle également une bonne hygiène respiratoire et corporelle, surtout dans les centres de santé, afin d'éviter de contracter les microbes de la tuberculose. Point final de cette édition.